Léo, tu erres depuis longtemps maintenant sur la lande, au cœur des bois, de la forêt et des eaux. As-tu toujours erré avec ton ami Leonardo ? Oui. Mais Leonardo n'a qu'un an. Nous avons le même âge. Il n'a pas qu'un an. Un renardo cesse d'être un renardo lorsqu'il atteint... Pour moi, c'est toujours un renardo. Mais ce serait un vieux renard ? Un renard ? J'ai 10 ans. Un renard de 10 ans ? Oui. Aussi loin que tu te souviennes, Leonardo était toujours présent avec toi ? Oui, c'est mon meilleur ami. Ah, mais as-tu eu d'autres amis ? Oui, comme l'escargot, ou l'ancienne. Malheureusement, cette triste fin a dû nous séparer. Donc tu as eu d'autres amis que... Mais c'est un de mes plus proches, Leonardo. Proche d'autant qu'il gambade auprès de toi dans ce jour... Un jour de marche, plein de vent, de soleil qui dissipe la masse nuageuse qui, ces derniers jours, avait obscurci votre horizon. De la lumière qui inonde le sous-bois et qui vous laisse une errance paisible, un repos. Comment as-tu rendu ces derniers hommages à l'ancienne ? Je l'ai enterré. Je lui ai posé des belles fleurs. Tu as creusé la terre ? Ton ami Renardo t'a-t-il aidé ? Oui. Il a creusé de ses petites pattes griffues. Il a dû bien t'aider. C'est un bon terrassier. Il s'est creusé et se glissé. C'est comme ça qu'il chasse, n'est-ce pas ? Oui. As-tu repris... ta tante et ton vieux matelas ? Oui. Je ne vais pas les oublier. Les oublier, certes, mais n'as-tu pas envie de les oublier ? Ne sont-ils pas attachés au départ un peu triste de l'ancienne ? J'ai déposé des choses pour protéger l'ancienne. Ce sera comme si... Je l'ai au fond de mon cœur, mais ça me rattachera plus à elle. Alors, qu'est-ce que tu lui as laissé à l'ancienne ? Qu'as-tu laissé sur sa tombe ? Des fleurs ? Des fleurs et un mot. Et un mot ? Qu'as-tu écrit ? Je m'en souviens plus. Tu l'as oublié ? Ça a été emporté par le vent ? Malheureusement. As-tu oublié également que tu cherchais les amis de l'ancienne ? Non, ça je m'en souviens toujours. Les as-tu cherchés vraiment ? Oui. Les as-tu trouvés seulement ? Non. Tu les as pas trouvés ? Pas encore. Tu as cherché longuement ? Des jours ? Depuis le départ de l'ancienne ? Des jours gris, des jours encore peuplés de son image, de son souvenir qui reste derrière tes paupières closes lorsque tu t'endors. C'est exact. Et avant que ton ami... Léonard d'eau devienne ton ami? Quel était ton meilleur ami? N'était-ce pas... Est-ce que la fumée de l'oubli a complètement enfoui ses souvenirs? Là, aujourd'hui... Nous sommes tous les deux nés dans le même ventre. Tu es né dans le même ventre que ton ami Leonardo? C'est exact. Ta mère était d'une curieuse engeance. Étiez-vous accepté dans la communauté? Oui. Dans votre communauté, on accepte les êtres bizarres autant qu'étranges? N'y a-t-il que les étrangers pour s'interroger? Il y avait certaines personnes qui... Mais Dragon et la cause, ça me dit quelque chose, c'était pas... Il me semble déjà avoir entendu ce nom quelque part. Ça m'est très familier. Tu as cherché à trouver de l'eau pure, à trouver des végétaux comestibles, te protéger du froid la nuit, te protéger de la maladie. Il a modelé une créature de sang et de fumée pour rappeler à la chair à lui lors des jours d'ennui. Il a modelé une créature de sang et de fumée pour rappeler la chair à lui lors des jours d'ennui. Ces quelques mots, c'est ceux qui te viennent, ce petit poème qui t'est venu à l'esprit ou que l'on t'a dit, tu ne sais plus trop sur l'instant. Alors que tu bagnaudes avec ton ami Renard, vous êtes dans la futaie, vous cherchez, vous glanez des fruits. Il cherche pour toi les fruits, mais il cherche surtout à débusquer quelques mulots musaraignes qu'il pourra aller dévorer goulûment. Car il a grand faim toujours, ton ami Renardo. Il a toujours grand faim, mais il a une voix étrange et bondit parfois, il est tout de contraste. Parfois bondissant gaiement dans les fougères, et parfois sombre à remâcher ses os. En murmurant des mots lorsque tu lui prêtes l'oreille, lorsque tu es suffisamment silencieux pour entendre le bois souffler en lui. Alors, vu que j'ai entendu ces mots, je me dis que c'est lui qui m'a parlé, vu que on est un peu les seuls ici. Oui, ou peut-être est-ce un souvenir qu'aura suscité... Le paysage, le lieu où tu te trouves, le fait que tu cherches des fruits, mais ici tu sais que au temps de marche, on ne trouve guère de fruits, ils ne sont pas encore mûrs. On trouve en revanche nombre de moisissures et de champignons dont certains sont comestibles, des sources de protéines, trouver des protéines comestibles. Cela, c'est ce que tu cherches souvent. Tu ne manges pas des mulots comme ton ami Renardo. Tu ne manges pas des lombrics comme ton ami l'escargot. D'ailleurs, en parlant de mon ami l'escargot, où est-il? Sans doute près de l'eau, mais tu t'es éloigné de l'eau en suivant des traces que Renardo a pensé être celles d'hommes, de petits d'hommes. Peut-être ce que tu cherches, dragon et lagode, vous êtes éloignés au-dedans du bois. Des bouleaux, des trembles, des hêtres, de grands hêtres. Tu es dans une hêtraie maintenant, au milieu des fougères et sur les billots de bois. Tu recherches ce que tu pourras manger. Et il t'est déjà advenu de chercher ainsi. Autant jadis, ce n'était pas en un temps complètement effacé des mémoires, mais c'était dans un temps légèrement obscurci par la fumée des événements, comme cette histoire de fumée dont te parlait peut-être ton ami, ou peut-être toi-même, ou les champignons. Près des champignons, tu cherchais quelque chose avec ton ami qui n'était pas Renardo. Le temps était différent, différent sans l'être. Le vent a rafraîchi la forêt. La forêt est ici plus dense. Le couvert a occulté un peu le soleil. Et ce n'est que dans les clairières ménagées par les orages où tu as pu trouver des souches abattues, des traces dans l'eau, de pieds nus dans la boue. Et non loin de là, des champignons. Des champignons jaunes, des champignons violets, des champignons oranges, mais ceux-là, mis à part les oranges, ne sont pas à manger. Et aucun orongle ne s'est trouvé au débotté sur la coulée que tu as suivie. Non. Tu as trouvé de curieux champignons violacés qui poussent au-dedans de l'écorce pourrie des arbres abattus par l'orage, les arbres fulgurés par la tempête. Je vide ces champignons et... Mais ces champignons, tu ne sais plus trop... Peux-tu te fier à tes souvenirs ? Oui, possible. Tes souvenirs ne te mentent pas, parce qu'ils sont toi ? Oui, ils font partie de moi. Et... Je ne mens pas. Toi, tu ne mens jamais ? Non, la vérité sort de la bouche des enfants. Tu étais déjà un enfant ou étais-tu un adulte alors ? Si c'est dans le passé, tu étais déjà un enfant. Je suis toujours un enfant. J'ai 10 ans. Tu étais donc un enfant, alors. C'est exact. Je suis frère jumeau avec Leonardo. Tu es frère jumeau avec Leonardo. Mais tu avais un autre jumeau que tu as oublié. C'est la rousseur du tronc. Du tronc qui accueille ces champignons qui poussent au-dedans de l'écorce. Vous, pieds légers, on vous envoie dans le sous-bois comme souris pour aller débusquer de quoi manger, de quoi boulotter. On vous envoie chercher... ce que les vieux ne peuvent plus trouver, ce que les vieux ne savent plus trouver, parce que les vieux n'y voient goutte, parce que les vieux ont souvent la goutte, comme la vieille qui est morte dans ta tente. Elle ne pouvait plus accomplir tous les gestes, elle était si fragile. Devenue fragile, cassante. Comme les branches mortes d'un arbre. Mais lorsqu'il meurt, est-ce que l'arbre meurt tout à fait? Non, son âme est toujours dans mon cœur. Celui de l'ancienne? Oui. Et quand un arbre meurt, que devient-il? Que devient son âme? Je ne saurais pas dire. Souvent, ça vient hanter quand quelqu'un aimait, par exemple, cet arbre, ça vient hanter la vie de cette personne. Mais les arbres innombrables de la forêt, ils meurent en nombre, et lorsqu'ils meurent, ils sont tout constellés de champignons, et ces champignons sont un peu d'eux, qui disséminent dans la forêt pour nourrir leurs frères de la forêt, leurs enfants, leurs vieillards aussi qui peinent à demeurer sous le vent. C'est ce que te disait ton ami d'alors, lorsque tu étais déjà enfant. Horace Pierre. C'était le temps de Serpente, le temps roux, comme le poil de renard d'eau. Mais alors, qui était-ce, mon troisième frère jumeau? N'était-ce pas Horace Pierre? Je ne pense pas, vu que c'est mon ami. Ce pourrait-ce lagot du dragon dont on m'a parlé, car il me semble très familier. Quand tu tousses, comme ton ami Renardo a toussé, annonçant le départ de l'ancienne, mais lui c'était de poil qui l'a toussé. T'es revenu en mémoire cette idée. Il arrêtait pas de tousser. Cet Horace Pierre. Il disait qu'il avait mal au poumon. Était-ce des simagrées? Je ne pense pas. On l'a pas pris au sérieux dans la communauté. Je le plains. Mais quand il a recraché une branche d'arbre, sacré Horace Pierre. Mais était-ce seulement une branche d'arbre? Peut-être son poumon qu'il avait muté. Son poumon se serait transformé, et comment se serait-il transformé, ce poumon? Peut-être que c'est la vie d'un arbre qui est venu le hanter, comme je l'ai si bien dit. Tu te souviens d'Horace Pierre? Viens voir ici. Viens, je te dis. Viens avec moi. Viens voir. Encore, j'arrive. Elle, vous êtes au cœur de forêt. Vous déambulez dans la forêt depuis un moment déjà. Vous cherchez à manger. Viens voir. Le soleil noir, il est là. Je me demande, c'est quoi le soleil noir? Ben là, regarde! Et Horace Pierre te montre de son petit doigt tout maigre un tronc couché dans la boue sur lequel pousse une myriade de petits champignons jaunes. Regarde là, le soleil est noir. Un jour, la lumière disparaîtra de nos vies. Pense-y, grand frère. Pourquoi je suis ton grand frère? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est d'autre? Ah, Kiki. Tu peux répéter, s'il te plaît, j'ai pas compris. Kiki, tu seras de route. Arrête de me faire répéter, c'est pas sympa. Désolé. Tu te moques de moi tout le temps. Non. Si, je sais, tu te moques de moi. Non. C'est pas caritable. Ils ne meurent pas toi, c'est plutôt les autres qui se moquent de toi. Ils disent que tu... Azur, tu verras ce que je te dis. Le noir du monde s'abattra et il ne restera plus que les sans-pipi. Mais ceux-là, faut pas les manger, hein. Ils sont pas bons. Le vieux, il a dit qu'il fallait prendre les champignons jaunes et les champignons oranges, mais ceux-là, ils sont pas bons. Ils nous feront mal au ventre. Des jours durant, on aura la siaf. Moi, je te dis, c'est pas ceux-là qu'il faut manger. Allez, viens, 20 ans. Tu sais où est Ronaldo? Qui c'est ça? Bah, notre petit frère. Enfin, mon frère. C'est moi son frère. Mais non, on est frères jumeaux. Bah, nous sommes jumeaux. Bah, Renardo aussi. Il est où? Boucle de poils. Boucle de poils. Bah, cherche ton copain imaginaire si tu veux. C'est même... pas mon copain imaginaire, c'est mon frère. C'est ton frère, tu dis? Eh ben, moi, je l'ai pas vu ton frère. Je l'ai pas vu. Et c'est aussi le tien, donc tais-toi. Et cherche-le. Ah, il est peut-être tombé dans le trou. Dans le trou du bois. Va voir si tu lui trouves ton Renardo dans le trou du bois. Ton faux frère. Puisque tu me fais pas l'honneur d'être mon frère jumeau à moi. Mon vrai frère jumeau. Eh ben moi, ça c'est des choses qui sont intéressantes, tu vas voir. Et on va ben manger, on va se faire péter la panse ce soir. Mais ce sera pas grâce à toi, parce que toi, tu cherches pas les champignons qu'il faut. Bah moi, au moins, je cherche mes vrais frères. Ah bon? Je suis pas ton vrai frère, hein? Non. Tu n'es qu'un andouille qui fait que dire des bobards. Il sait que dire des bobards. Des bobards. Mais non, moi, je dis pas des bobards. Moi, je dis la vérité. La vérité, je te dis. Et vous, vous êtes toujours à se moquer de moi. Vous êtes pas charitable. D'abord, moi, je me moque même pas de toi. Si, tu se moques. Apprends à parler français, et on verra. Tiens, tu vois, tu se moques. Bah, parce que j'en ai marre de pas me moquer. Je me relâche, c'est tout. Elle s'éloigne, et tu le vois sauter au-dessus d'un tronc. Il disparaît dans les fougères. Je cherche mon ami, Renardo. Et tu cherches ton ami Renardo, tu cherches ton petit renard, tu le cherches longuement, longtemps. Et lorsque la nuit s'en vient, tu l'as pas trouvé. Je me mets dans des états, je me mets à pleurer. Tu ne l'as pas trouvé, tu as juste trouvé une certaine... Tristesse, pardon, à te trouver ainsi isolé. Alors je repense à peut-être mon frère jumeau qui s'appellera Horace Pierre. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que c'est mon Renardo qui a eu une transformation. Peut-être une malédiction. Je ne saurais pas dire. Je n'aurais pas dû l'envoyer bouler. Le jour s'est tout entier consumé à l'abri de forêt. Alors... Et c'est maintenant avec une certaine tristesse que tu te trouves esselé au cœur du bois, dans le froid de nuit qui naît. Je sors ma tente et mon sac de couchage. Tu voudrais bien avoir ta tente et ton sac de couchage, mais tu as juste ta besace. Et tu entends, adossé que tu es à une souche, à reprendre ton souffle. Tu entends une présence juste au-dessus de toi, derrière le billot de bois auquel tu as adossé ce billot de l'arbre noir. Comment il l'appelait ? Le tronc ? Le soleil noir, je crois. Le soleil noir ? Tu entends ? Sur les feuilles mortes. Peut-être est-ce là la créature de sang et de chair appelée par la fumée et la volonté de ton frère, celle qu'il a jetée sur le monde. Es-tu inquiet en cet instant ? Je ne pense pas que ce soit un monstre. Peut-être un cerf. Cerf. Ce serait le cerf qui s'éloigne, ce serait un cerf qui serait venu près de toi. Est-ce un cerf ? Oui, ça se voit, c'est et le cri qu'il fait quand il essaye d'attirer les femelles. Comment s'appelle ce cri ? Je ne sais plus, malheureusement. L'as-tu oublié ? Oui. Tu as oublié le nom de ce cri d'amour ? Et pourtant, c'était un cri d'amour ? Ce « tu se moques ». Ce « tu se moques » et ce soleil noir aurait-il appelé sur le monde un esprit sombre qui habiterait... ce cerf là même qui chemine dans le sous-bois autour de toi. Qu'est-ce qu'il a recraché quand il a toussé sang et eau, ton frère ? Peut-être une glaire ? Ces pluies de feuilles, de serpentes, le temps du brame, le cri d'amour du cerf. Nous n'étions pas en marche, au moins de marche. Mais à ton souvenir, tu étais au temps du cerf, le temps où le cerf noir va dans les bois. Le temps où il a trouvé la voix d'Horace Pierre et où Horace Pierre a recraché ses bois et perdu sa voix parmi les hommes. Jamais il n'a reparu sain et gaillard après votre algarade au cœur des bois. Tu n'as plus de lui que... le souvenir de ce passager du bois, de ces cris fantomatiques dans la nuit qui t'ont longtemps inquiété, ces bruits étranges qui accompagnaient ceux du cerf, ses souffles. Peut-être est-ce le pauvre Horace-Pierre que j'ai méchamment envoyé bouler. Heureusement, les souvenirs sont comme un flux et un reflux que portent les grégores en forêt. Ils parsèment le bois, ils essaiment et se répandent comme ces champignons mauves que contemplait Horace-Pierre, car il savait que de petits insectes éphémères venaient laper le lait que produisaient ces champignons. Et ces champignons, c'était ceux-là qui ravissaient vos bidons. Un goût sucré. Lecantai panos, Italie. Avec lui, ça donnait Lecantai panos. Mais le panos, c'est bon. Et là, tu en as trouvé du panos. Loin de ces souvenirs de serpente qui remontent au temps où tu venais de découvrir ton ami Leonardo, ton frère de cœur. Ton frère de cœur qui t'a fait ensevelir le souvenir de ton frère de lait. Horace-Pierre, avec qui tu contemplais allongé à plat dos dans l'humus, la voûte claire du ciel, vous contempliez les griffes du ciel, ces arbres qui se dessinaient majestueux au-dessus de vous, ces êtres comme ceux qui t'entouraient aujourd'hui, dans le ciel dégagé de marches. Peut-être est-ce là où j'étais avec mon frère. C'est là où tu as cueilli ce souvenir, dans les griffes du ciel, au contact du soleil ressurgi dans la clairière, ou peut-être en contemplant les panous, tout mûrs, à point, juste comme Horace-Pierre les aimait. Je me mets à appeler mon renard. Leonardo te rejoint, il se lèche les babines, il a quelques gouttelettes de sang qui perlent, il a dû trouver une musaraigne. Tu as trouvé une petite musaraigne ? Trouver du bon gibier par ici. Je suis repu, maître. Nous pouvons aller maintenant. Et toi, as-tu mangé ? Je vais prendre un peu du lait de ce champignon. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Bois Saule.